hommes debout. La route, je l'ai prise et parcourue pour des rencontres, puis j'ai souri pour oublier. Oublier pour me souvenir, sur la route qui serpente autour, j'ai appris à me tenir droit. Des bières blondes dans des bars m'ont tendu la main. Viens, je t'ai dit viens. Ainsi donc il est venu, il plane dans la poussière du vent. Je le regarde et plane avec lui au-dessus des villes de gens sans importance. Ses os sont aussi légers que l'air. Tous les poètes le dessinent dans le coin supérieur de leur carnet. Ils trinquent à leur compagnie, c'est un soleil dans la nuit, un ultime espoir dans un désespoir profond. Du No Man's Land, j'ai imaginé, mais imaginer m'a brûlé les ailes. Je regarde au fond des choses ce qui peut se traduire. Au soleil noir des au revoir, au rose soleil des jours couchants, l'abeille des miels concoctés éveille les azurs éternels. Au sang chaud, froid et bleu, simulant le vivant dans l'entourage de la botanique forestière, le vin jaune des pailles se repose. Un blé vert dans l'encore des sempiternels étés se colore. De la lune rousse à la lunaison des climats sous-entendus, le soleil jaune des jours se lève au regard. Dans des embarcations légères, il gagne le large et la tempête. C'est une sorte de radeau traversant les mers pour une vie meilleure. Accrochés les uns aux autres, dans un ultime élan, les goélands sont leur espérance. Hiver sec, hiver dense, automne blanc, aucune autre couleur que les leurs. C'est un aller et ce retour dans des embarcations de fortune qui attend un nouveau terreau. À l'été chaud, été humide, été automne, la vague. Les vagues s'enroulent au printemps venant, temps présent, temps composé, temps passé, le vent affronte l'orage et fait avancer les coquilles de bois. Bois mort, bois vert, bois tendre. À la sève de l'arbre des mondes engloutis, les passés reviennent en mémoire. Ce sont des continents à la dérive, des hommes debout, sur le vol au vent, des femmes enfantées, en chantent encore les proses les plus terre à terre. Vont et viennent les sentiments les plus désespérés, vont et viennent les plus enjoués. À l'été chaud et humide, l'automne accueille les hivers des terres encore vierges. À la singularité des heures qui s'achèvent, le blanc manteau des horizons nouveaux s'inclut aux écorces des vieux chênes, du vieux bouleau et des êtres. Les interprétations des passés rénovés reviennent dans des formes du temps et s'imprègnent de mystères sous-jacents, s'enroulent et se détournent à l'occasion pour se montrer familières par fraternité. Le langage approprié, les appropriations des langages communs expriment ses joies, ses nostalgies comme ses espérances. Ce sont des couleurs vives, des carrés et des triangles, des rondes et des blanches pointées ont des sensations éprouvées. Dans les étoiles fixes et filantes, les nuages qui nagent dans le courant de l'azur font apparaître d'un blanc et d'un bleu, le ton des cieux.